Les belles rencontres. Nous vous présentons aujourd'hui la deuxième partie de l'entretien qu'a eu Anne Bergeron avec Manouche, aquarelliste de Dodwell. Oui, mais ton grand parcours quand même qui est très très enrichissant, qui t'est arrivé pour pouvoir créer tes créations à toi-même. Ah ben oui, parce que j'avais très peu de temps. Ben moi j'étais monoparentale, j'avais deux enfants. En tout cas, je roulais là. J'avais mon gros job parce que c'était très gros. Donc j'avais pas le temps de travailler pour moi. Mais après là, après c'est pour ça que j'ai vendu. Quand mes garçons, en fait, moi j'ai quitté le centre. Quand mes garçons sont partis de la maison, ils avaient 20 ans, 23 ans. Et puis moi, j'ai vendu tout, puis j'ai cherché le plus loin. Mais je connaissais la région beaucoup. J'avais beaucoup d'amis dans la région avant. Oui, la région aussi de Dodwell. De Saint-Adrien. Ok, de Saint-Adrien. Oui, de Saint-Adrien. Tous mes amis étaient à Saint-Adrien. Moi, j'allais avec ma famille quand il y avait des grosses fêtes, nos enfants ont été élevés ensemble et tout. C'était communautaire. Oui, c'est ça. Oui, c'est bien. Puis là, venue ici. Je suis venue ici. Oui, ici. Là, on est en campagne à Dodwell. Oui, c'est ça, oui. Pas loin de Marlborough, oui. Dans le fond. Puis là, c'est comme ça ici que tu as eu la magnifique idée de faire des aquarelles excessivement uniques. Oui. Parce qu'ils ne sont pas traditionnels comme sur du papier rectangulaire. Là. C'est ça. Toi, c'est plus aérien, tu fais des mobiles, des masques, des lampes. Mais d'où est venue cette idée-là? Est-ce que ça a germé tranquillement du jour au lendemain? C'est ça. Au commencement, je faisais des masques. Okay. Puis, ou des bas-reliefs. OK. Avant, je voulais te demander, pourquoi tu as choisi l'aquarelle? Parce que tu as appris l'huile aussi. Qu'est-ce qui t'a fait que tu as... Parce que j'ai beaucoup travaillé la peinture sur soie. OK. Et je trouve ça magique. Ah, OK. Moi, c'est l'eau qui... tout ce qui est eau et tout. Moi, la peinture sur soie et l'aquarelle, c'est pas pareil, mais ça a beaucoup. Ça ressemble beaucoup. Et c'est cette fluidité, j'aime beaucoup ça. OK, oui. C'est par rapport à la peinture à soie que tu es arrivé faire l'aquarelle. C'est ça. OK. Puis tes idées, comme on disait tout à l'heure, de faire des choses non traditionnelles, c'est sûr que tu avais un bagage déjà bien rempli. Oui, oui. Pas du tout traditionnel. Pas du tout classique. Non, c'est ça. Alors, mais les mobiles, comment ça t'est venu? Ça a été une nuit magique, je crois. Une nuit magique. Oui, ça a été une nuit magique. Donc, ça a été du jour au lendemain. Ben, je fais un indien avec plein de fleuritures et puis je me dis, bon, je vais en faire un bas-relief parce que, non, c'est pas vrai. Je veux qu'il tourne, je veux qu'il remue, mais vraiment, là, je voulais vraiment qu'il soit en deux ans. Et je le prends, je l'accroche à ma poutre, comme ça, j'accroche mon papier, là, comme ça, là, tout, avec tous les trucs, accroche à ma poutre, je tire un peu, je fais ça, la patate, pouf, mon indien, il est en trois dimensions, il est une sculpture. Ah oui. Et puis, mais il n'était pas découpé? Oui, il était tout découpé. Ok, quand tu l'avais fait? Il était tout découpé, mais il devait être un masque. Il devait être un masque. Il devait rester sur le mur. Ah, ok. Mais moi, je ne le voulais plus sur le mur. Là, okay. Ça m'énervait. Je voulais vraiment là, que ça sorte. Oui, le faire vivre. Voilà, le faire vivre. Alors, donc, je me suis dit, ah, c'est formidable. Alors, tout de suite, je l'ai repris. Et puis, j'ai repeint l'autre côté. Ah oui, la même chose que... La même chose, ou plus foncé. Oui. C'est très difficile. Ça, c'est le travail le plus difficile parce que c'est sale, d'habitude. Oui. L'or vert est sale parce que... Tu veux pas que ça déborde à la croix parce qu'il était déjà découpé. Donc, en plus de ça, il faut toujours que je fasse des couleurs très foncées parce que c'est l'arrière du papier qui prend pas du tout la même chose non plus. C'est pas du tout... Les deux côtés sont pas du tout du papier. Alors, derrière, il tâche, il... tout de suite, donc il faut vraiment faire très attention. C'est ça qui est le plus dur pour les sculptures aériennes. Ok. Voilà. Alors, puis quand tu fais tes sculptures, là, c'est comme ça que l'idée t'est venue. Oui. Parce que tu voulais plus voir sur le mur, tu voulais le faire vivre. Je voulais le faire vivre, oui. Ok, puis là, c'était apparu. Comme voilà, ça. C'est ça. Donc, j'ai fait toute une exposition de très, très, très gros personnages, comme des ça. Mobiles. Des têtes. Mais j'appelle pas ça des mobiles, parce que c'est pas des mobiles. Ce sont des aquarelles aériennes. Aériennes, oui. c'est ça que j'ai. Parce que j'appelle ça, moi j'appelle ça des aquarelles volantes. Parce que bon, c'est beau. Et puis, mais si ça restait toujours des personnages et tout. Donc ma première série, ça a été des animaux, des personnages. La deuxième série, je me suis mis à faire des bateaux. Ah, des beaucoup, bateaux. Beaucoup, beaucoup de bateaux. Des bateaux avec l'eau. Oui. Donc le bateau, il était plat, oui. Mais toute l'eau était en relief. Ah, oh, c'est merveilleux. Et après, ça a été les villages. Les villages. Tous les villages, oui. Tous les villages, il ne faut pas exagérer. Mais beaucoup de villages. Des maisons. Oui, des maisons, des villages, avec des petites ruelles, avec des personnages dedans, avec toute une histoire. Ah, oh, c'est donc bien beau. Avec des petits ponts, et tout ça en trois dimensions et toujours peint. Toujours, oui, des deux côtés. Oui, et toujours peint. Et donc, d'un côté le jour et de l'autre côté la nuit. Oh, que c'est beau! Voilà. De l'imagination, mais plus qu'on y travaille, plus qu'on voit aussi c'est ça. Donc c'est plein de... c'est symbolique en même temps, c'est figuratif beaucoup. C'est ça, c'est... oui, je travaille beaucoup dans le figuratif. Mais c'est des histoires que je me raconte. Ben je disais que mon père, il n'était pas... mon père c'était un conteur, il nous a raconté, ah, oui. C'est un historien conteur. Alors les histoires, et tout là, on en avait, donc... moi, c'est ça. Tout vient d'une histoire, tout vient d'un beaucoup. Ça veut dire que quand tu fais une pièce, elle me parle. C'est ça. T'as une histoire. C'est ça. C'est elle qui me parle. C'est elle qui me fait l'histoire. Ok. Bah, c'est un peu. On est un peu toutes les deux ensemble. C'est ça. Autrement dit, ça apparaît. Et puis déjà là, ton papier, il veut te signifier quelque chose. Oui. Et puis toi, tu le concrétises d'une certaine façon. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que tu ça veut dire que tu fais des choses spontanément. Tu fais pas nécessairement un plat, un croquis, comme quand tu fais tes maisons là. Non, ça vraiment j'ai des lignes parce que c'est ça que j'ai beaucoup travaillé. Il y en a beaucoup que j'ai mis à la poubelle parce que ça marchait pas. Donc j'ai des lignes directrices. Je sais très bien comment il faut que je pars pour que ça se tienne comme ça, oui, puis que ça aide ces volumes-là, oui. Parce que c'est le découpage, la force du papier aussi est formidable, donc ça j'ai joué beaucoup avec toute la force du papier à le rouler, puis donc le papier qui peut faire qui peut monter comme ça, là, puis qui fait des volutes qui ne devraient jamais être, mais avec du tordage, et puis après je mets des polymères, puis je mets des vernis, puis je mets plein de choses dedans. Ok, comment tu mets, c'est ça, parce que ton papier, c'est vraiment ta sculpture que tu fais, oui. Qui dure. Oui, donc c'est à plat. C'est à plat, tu mets... C'est à plat, c'est travaillé d'un côté et c'est travaillé derrière aussi, oui. Ok. Et après, j'ai un pistolet à peinture et après je mets du vernis. C'est vernis dans la masse. C'est du papier aquarelle, donc c'est poreux. Donc le papier devient plastique presque. Ok, c'est parce que l'aquarelle ça boit l'eau. Ça boit l'eau. Alors quand tu mets du vernis, c'est formidable. Ouais, tu peux en mettre combien de couches, à peu près une dizaine. Oui, à peu près une dizaine, même des fois plus que ça. Oui, ça dépend. Parce que c'est des couches très très très minces. Oui, pour pas que ça bave. C'est ça. Que ça se met à se tremper. Les premiers c'est pas grave parce que ça absorbe. Mais après, là, il faut vraiment faire très attention. Oui, il faut que ça glisse après. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce que tu vernis aussi le derrière? Oui, tout est verni, tout. Ça devient un objet complètement verni. Et puis c'est ça ce qui fait ta force du papier. Du papier, oui, c'est ça. Il devient plastique. Il devient plastique. Oui. Donc, il est solide. Oui. Il est solide, il s'abîme pas. Mm-hmm. Et il, c'est ça. Puis il reste, il reste comme ça. J'ai des, je t'en montrerai tantôt, j'ai des sculptures qui ont 10 ans et qui restent encore mais comme ça. Quand tu fais ta sculpture, mais ils tiennent ensemble, tu sais, c'est comme comment tout, tu fais pour tout les... Tout est tenu. Tout est tenu avec le vernis? Non, je veux dire, moi, mon dessin, là, tout est tenu. C'est d'une seule planche, hein. Oui. Tout est tenu. C'est ça qui est difficile. C'est pour ça que ça tient, mes affaires. Okay. Si je faisais une lamelle comme ça, là, puis une autre lamelle qui s'en irait comme ça, ça tiendrait pas parce que j'ai très très peu de, je mets très peu de colle pour mes volutes. Ah oui, c'est ça, tu mets de la colle quand même. Des fois, oui, des fois, mais très peu. Très peu. Vraiment, j'ai peut-être 2 ou 3 petits trucs de colle, c'est tout. Okay. Tout doit sans... J'ai un cerveau comme ça. J'arrive sur le plat. Ah, non, mais c'est comme ça, je n'ai pas l'orthographe, mais... c'est la créativité. C'est autre chose. Alors, mais je sais que si je vais comme ça, oui, et puis comme ça, ça ne marchera pas. Je le sais. Ça, c'est... Ok, c'est la façon dont tu le découpes. Découpe, oui, c'est tout le découpage. Tout. Ok, c'est ça. C'est pas les polymères, c'est rien de tout ça, c'est okay. le découpage. C'est le découpage qui fait toute la magie de ça. Oui. Et puis pour le découper, tu prends quoi? Je prends un exacto. Un exacto? Oui. Est-ce que tu en as plusieurs? Parce qu'il y a des découpages qui sont très fins. Ah, non, j'ai qu'un seul exacto. Oh, oui. Oh, oui. Un seul exacto qui fait tout. Tout. Est-ce que tu dois déguiser une fois? Tu changes la lame? Oui, je la... Ouais, oui, parce que j'en casse. Donc, c'est ton ami, c'est un... Ah ben oui, lui, mon exacto, je travaille très bien le découpage, mais j'ai pas de problème avec n'importe quel découpage. Mais non! Au lieu de chercher s'il y en a un parmi les 50, mais là, toi, tu en as un. Oui, mais moi, je me suis dit, quand je suis arrivée ici, je me suis dit, je veux faire un art qui va être très léger. Si je veux m'en aller quelque part, je veux prendre mon papier, ma petite boîte d'aquarelle, mon exacto, et je peux faire tout avec. J'ai pas besoin. Sinon, je pense que si j'avais pas eu cette idée-là, je serais partie plus tôt dans les grosses sculptures avec les couteaux. Allez. Les couteaux, et puis aussi assembler. Ouais. Comment on appelle ça avec, soudé. Soudé, oui, ouais. Et puis découper avec des. Du bois, oui, c'est ça. Comme ça. Ça aurait été du métal, je pense, mais là, je me suis dit, bon, ben là, vraiment. Et comme des fois, je suis frustrée de ne pas faire de métal, ben, j'essaye de faire du métal. Et ça marche. Les gens se disent, ah, mais c'est en métal. Ah, ben non, c'est pas en métal. Oui. C'est ça, donc, c'est ça. Voilà. Mais c'est vraiment unique en ton genre. Personne au monde ne fait ce genre de sculpture aérienne avec du papier aquarelle. Non, je ne crois pas. J'ai jamais vu. Est-ce qu'il y a un papier spécial pour faire ce genre de... C'est le plus gros aquarelle. C'est le plus gros? Oui, oui. OK. Oui. Puis là, tu commences... Quand tu fais... Ah oui, quand tu fais ton exact... Tu découpes ton dessin. Oui. Est-ce que... C'est tout bien égal, certains... Ben, je dessine. Tu dessines au crayon avant? Ah oui, je dessine au crayon avant. OK. Je dessine avec un crayon très, très sec. Très sec. Ah oui, très sec. Et je dessine, et je dessine, et j'efface, et je dessine, et j'efface. OK. Parce que je suis obligée, là, parce que comme je n'ai pas le droit à l'erreur, ben, je peux pas faire. Je peux... Puis des fois, c'est sûr que ça s'en va tout seul. Hein. C'est sûr que des fois, j'ai des petites ratures. Bon, j'essaie toujours de les réparer. Oui, parce que c'est vrai que l'aquarelle, c'est plus... Tu n'as pas le droit à l'erreur. Hein? Non plus. Non ni la plus, peinture. Ni la peinture. La peinture à l'huile, on peut toujours se reprendre. C'est ça. L'acrylique aussi. L'acrylique aussi. Oui. Mais l'aquarelle, c'est plus délicat. Mmh. Ah oui. Puis le découpage aussi, tu ne peux pas te tromper. Non, c'est Donc, ça. Donc, c'est vraiment la perfection. Oui, il faut que ça marche. Puis si ça ne marche pas, tu dois composer, avec, trouver oui. un autre affaire. Oui, oui, faire oui. Une autre chose. Ah oui, ah oui. Et des fois, même, je fais des grosses pièces et je me rends compte que je ne pourrais jamais faire quelque chose avec. C'est trop difficile. J'étais trop... Je sais pas. Et donc, des fois, je prends des sections et j'en fais des petites. Et ça marche très, très bien. Ben, et, oui. et ça fait un ensemble de petites. Et puis voilà, c'est mm-hmm. ça. Voilà. Parce que c'est vraiment très beau. J'invite tout le monde à aller voir tes sculptures aériennes. Ah ben, merci. À suivre.